La connexion est présentée par Nico Vidéo et Univers Informatique. Cette semaine, dans La connexion. EA achète BioWare et Pandemic pour 860 millions de dollars. Un tiers des fans de Radiohead n'ont rien payé pour le nouvel album. Un prix Nobel pour les pères du disque dur moderne et un iPod Nano prend feu dans le pantalon de son propriétaire. Tout ça et plus tout de suite, c'est l'heure du jeu. Hey, bonjour et bienvenue à La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Je m'appelle Mathieu Plante et pendant 2 heures, on va parler des choses qui vous intéressent, des choses qui vous importent le plus. On va parler entre autres de Manhunt 2, qui est toujours banni en Angleterre, et de PopCap, qui se lance sur le marché des consoles. Mais tout de suite, en musique, voici Stars et Bitches in Tokyo à La Connexion. C'est fou, 89.fm. Stars avec Bitches in Tokyo, c'est une pièce de leur album In Our Bedroom After the War, et c'est sur les palmarès anglophones de C'est fou en ce moment même. Vous écoutez La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Maintenant, c'est l'heure du fil jeux vidéo. Parlons des nouvelles qui ont marqué le monde vidéoludique cette semaine, parce que vous savez, les jeux vidéo, c'est un monde qui est très, très populaire. Et j'aime ça, hein? Les enfants, les adultes, tout le monde aime ça. Commençons par des nouvelles assez importantes de la part de Electronic Arts, un article de BV2.ca. La période de consolidation que traverse l'industrie des jeux vidéo depuis près d'une décennie n'est toujours pas terminée. Le géant Electronic Arts vient de mettre la main sur le tandem BioWare Pandemic, qui avait regroupé ses forces il y a 2 ans et fait l'objet d'un investissement de 300 millions de la part de la firme Elevation Partners, dirigée alors par John Riticiello, l'ex-président d'Electronic Arts. Donc, John Ricciello, qui a réintégré le poste de président d'Electronic Arts en février dernier, vient de réaliser un beau coup en achetant deux studios spécialisés dans le jeu de rôle et les jeux d'aventure et d'action, deux genres qui sont sous-représentés chez EA. En effet, le studio canadien BioWare est reconnu pour ses jeux de rôle tels Baldur's Gate, Knights of the Old Republic, Neverwinter Nights et Jade Empire, alors que le studio américain Panamic Studios est reconnu pour ses jeux d'aventure et d'action, dont Mercenaries et Destroy All Humans. Les deux emploient 800 personnes dans leur studio de Edmonton, Los Angeles, Austin et Brisbane en Australie. Du même coup, EA met la main sur des propriétés intellectuelles originales, notamment Mass Effect, Dragon Age et un jeu de rôle massivement multijoueur en ligne dont le titre est à déterminer et dont le développement chez dont le développement est présentement en cours chez BioWare, ainsi que Mercenaries 2 et Saboteur, qui est présentement en développement chez Panamic Studios. Au total, les deux studios vont développer 10 projets, dont 6 étant des propriétés intellectuelles originales. En tout cas, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Voilà qui fera du bien à Electronic Arts, qui propose peu de contenus originaux, dit l'article. Les détails sont sur le site d'Electronic Arts. Vous pouvez passer par l'article qui s'appelle EA achète BioWare et Panamic pour 860 millions. C'est sur le site de l'émission au www.unechance.com. On passe à Manhunt 2. Si la cote de l'ESRB a changé de adulte seulement à public mature sur le territoire nord-américain, eh bien Manhunt 2 a toujours des problèmes avec le British Board of Film Classification. En effet, Rockstar ne pourra toujours pas vendre son jeu sur le territoire anglais, celui-ci étant toujours banni, et ce malgré les correctifs apportés par le développeur. En effet, le BBFC rejette cette édition révisée, reconnaissant que des changements ont été faits, mais qu'ils ne sont pas poussés assez loin pour taire les inquiétudes soulevées par la copie originale du jeu. Selon David Cook, le directeur du BBFC, l'impact des révisions sur la nature essentielle de la jouabilité est clairement insuffisant. Des modifications ont été apportées pour cacher et réduire les détails visuels de certaines exécutions, mais le jeu reste viscéral et sadique de par sa nature. Des suggestions ont été faites par la BBFC, mais pas nécessairement prises en compte par le développeur. En juin dernier, Manhunt 2 s'était vu banni par la BBFC. Rockstar avait été en appel. Cet appel avait été suspendu suite à l'offre d'une version révisée par Rockstar à la BBFC. Clairement, l'organisme n'est pas satisfait, dit l'article de Hardgamers.com. Le jeu sera par contre disponible sur le territoire nord-américain dès le 29 octobre. La compagnie PopCap Games, reconnue pour ses jeux pour joueurs occasionnels, ses casual games comme on appelle en anglais, a annoncé qu'elle se lancera dans la distribution de jeux pour consoles de salon. Donc plutôt que de n'être disponible qu'en ligne, les jeux de la compagnie vont bientôt être offerts sur Xbox 360 et PlayStation 2 en deux ensembles fort intéressants pour ceux aimant les jeux plutôt légers, dit Hardgamers.com. PopCap Arcade Volume 1, destiné à la Xbox 360, va regrouper des jeux, les jeux Bejeweled 2, Astro Pop, Feeding Frenzy et Zuma, et se détaillera pour une quarantaine de dollars canadiens, ce qui est vraiment énorme, je trouve, pour des jeux qu'on peut retrouver gratuitement en ligne, mais quand même. PopCap Hits Volume 1, qui sera lancé sur PlayStation 2, n'offrira que les jeux Bejeweled 2 et Astro Pop, mais se vendra pour une trentaine de dollars, ce qui est encore exorbitant pour moi. PopCap Arcade Volume 1 et PopCap Hits Volume 1 seront lancés le 15 novembre. Il s'agira de la toute première fois que des jeux de PopCap Games vont être disponibles commercialement sur la Xbox 360 et la première fois que des jeux de la firme seront lancés sur PlayStation 2. La compagnie albertaine BioWare, qui a développé au cours de sa carrière des jeux tels Baldur's Gate, Neverwinter Nights et le futur Mass Effect, a été reconnue comme étant une des 100 compagnies où il est le plus agréable de travailler. Greg Zeschuk, le président et cofondateur de la compagnie, avoue que la clé de notre succès a toujours été nos employés. Nous avons travaillé fort à créer une atmosphère propice à attirer les meilleurs talents de l'industrie. Le prochain jeu de la compagnie canadienne est Mass Effect, développé sur Xbox 360 exclusivement. Le jeu Dragon Age est lui aussi en développement. BioWare a récemment ouvert un studio à Austin, au Texas, afin de développer des jeux de consoles portables, notamment un jeu de rôle mettant en vedette Sonic. Voilà pour BioWare. Je cherche ici. Non, d'accord. Continuons. Du 18 au 22 octobre prochain se tiendra le E4All Expo au Convention Center de Los Angeles. Il s'agit d'une exposition visant à remplacer partiellement le traditionnel E3, même si c'est pas remplacé complètement parce que l'E3 existe quand même toujours. Il y a quelques minutes, Nintendo a dévoilé ses plans. Ça, c'est l'article qui date du 9 octobre, je m'excuse. Nintendo a dévoilé ses plans précis pour l'événement. La plus grande nouvelle est que pour la première fois pendant une telle exposition, Super Smash Brothers Brawl sera jouable sur le plancher. Le public pourra donc essayer le jeu de combat pour la toute première fois. Nintendo tiendra même des tournois et les participants pourront gagner des t-shirts. Parmi les autres titres qui vont être jouables, on peut mentionner Super Mario Galaxy, Link's Crossbow Training et Professor Layton and the Curious Village. Donc sans plus tarder, dit l'article, voici la liste des jeux que Nintendo va présenter pendant le premier E4All Expo. Certains sont déjà lancés. La liste, donc sur la Wii, je vais en nommer quelques-uns. Donkey Kong Barrel Blast, Battalion Wars 2, Mario & Sonic at the Olympic Games, Guitar Hero 3, Legends of Rock, aussi sur Nintendo DS, Nintendogs, Animal Crossing Wild World et Final Fantasy 12 Revenant Kings. Voilà. Dans le cadre d'une conférence présentée au Japon, Nintendo a annoncé Super Mario Stadium Baseball. Ils ont aussi donné plus de détails sur Mario Kart et sur Wii Music, précisé la sortie de Wii Fit, raflé la franchise Monster Hunter, présenté les premiers titres WiiWare, dévoilé de nouveaux épisodes de Fire Emblem et Advance Wars sur DS et confirmé l'arrivée d'une chaîne Wii réservée à la DS. Donc c'est un condensé de grosses nouvelles. Après avoir fait plaisir aux fans de Super Smash Bros. En confirmant la venue de Sonic dans Super Smash Bros. Brawl sur la Wii, et oui, Nintendo a malheureusement annoncé que le titre va paraître au Japon après Noël, le 24 janvier. Nintendo a aussi annoncé le lendemain de l'annonce que Super Smash Bros. Brawl serait reporté au 10 février 2008. Voilà, là on parle de l'Amérique du Nord, si je comprends bien. L'article continue, l'article de Jouets.com continue en disant « Cela n'étonnera personne, mais Nintendo nous offrira l'an prochain le jeu de baseball Super Mario Stadium Baseball sur la Wii. Si vous avez apprécié le jeu de soccer Super Mario Strikers Charge, sans doute que cette nouvelle vous fera plaisir », dit l'article. Nintendo a aussi profité de l'occasion pour donner plus de détails sur l'édition Wii de Mario Kart, prévue pour le printemps prochain au Japon. Cette nouvelle édition qui va être offerte avec un volant de course conçu pour la télécommande Wii, vous l'avez certainement déjà vu en vidéo si vous êtes fan du jeu. Ça va permettre de piloter des motos pour une première fois dans la série. Quant à Wii Music, Nintendo a révélé que 4 joueurs vont pouvoir jammer ensemble avec une quarantaine d'instruments. Il va aussi être possible d'incarner le maître d'orchestre. Il y a des photos dans l'article si ça vous intéresse sur le unechance.com. En ce qui concerne le Wii Fit, l'ensemble va comprendre le Wii Balance Board et environ 40 mini-jeux à saveur aérobique. Les Japonais affectionnent le yoga. Il sera intéressant de voir si Wii Fit connaîtra du succès, demande l'article. Nintendo a ensuite causé la surprise en raflant Monster Hunter 3, pourtant en développement sur la PlayStation 3. Et bien, Capcom aurait jugé les ventes de la console PS3 insuffisantes. Ils ont décidé de transférer le développement du jeu sur la Wii. Quelque chose d'assez exceptionnel. Les premiers titres qui vont être offerts en téléchargement via la chaîne WiiWare ont aussi été dévoilés. Voilà. À partir du mois de mars, les joueurs vont pouvoir télécharger de nouveaux titres des séries Final Fantasy Crystal Chronicles, Pokémon, Dr. Mario, Puzzle Loop, Bomberman, Star Soldier, mais aussi des titres entièrement originaux, le tout pour moins de 1500 points. Oui, il y a d'ailleurs des photos de Final Fantasy Chronicles dans l'article. Et enfin, la DS n'a pas été en reste, dit l'article, Nintendo ayant annoncé un premier épisode de la série Fire Emblem sur cette plateforme, un deuxième épisode de la série Advance Wars et un troisième titre mettant en vedette Kirby. À propos, Nintendo a confirmé que la nouvelle chaîne Wii Everybody's Nintendo Channel permettra de télécharger des démos de jeux DS ainsi que des vidéos des jeux de la Wii. Voilà. Si Nintendo continue d'offrir de plus en plus de contenu en ligne, la petite carte mémoire de 512 MB de la Wii sera bientôt insuffisante, continue l'article. Comment Nintendo remédiera-t-il à cette situation? C'est à suivre. L'article qui vient de Jouets.com. Après avoir présenté sa conférence, Nintendo a tenu à démontrer que les éditeurs tiers sont plus que jamais derrière la Nintendo Wii et la Nintendo DS. Nintendo a donc confirmé que la librairie de la Wii compterait 140 titres d'ici la fin de l'année, sans compter les 200 titres disponibles sur la Virtual Console. Quant à la DS, sa librairie devrait franchir le cap des 450 titres. Bien que plusieurs éditeurs se soient ralliés à la Wii tard, un petit peu, une majorité d'entre eux considèrent cette plateforme de nouvel œil, maintenant qu'elle détient la position de tête. Évidemment, aussitôt que ça devient populaire, c'est « Ah, ben moi aussi, je veux jouer ça ». Enfin, il n'est donc pas surprenant, continue l'article, de voir de plus en plus de titres s'ajouter à la liste des jeux à venir sur cette plateforme. Donc, la liste partielle des titres à venir d'ici le printemps prochain sur la Wii et la DS est sur le site. Allez voir le unechance.com, c'est listé par date et par console. On commence par la Wii du 1er octobre jusqu'à la fin du printemps 2008 et ensuite Nintendo DS du 1er octobre à aussi le premier quart de 2008. On parle de jeux très, très intéressants. Le scénario aurait été impensable il y a quelques années, dit l'article, encore une fois, de Jouets.com. Sonic a été créé sur mesure pour battre Mario. Au cours des années 80 et 90, le hérisson bleu de Sega a combattu le plombier rouge de Nintendo. Et bien, prochainement, les joueurs vont pouvoir déterminer lequel est le plus rapide dans Mario & Sonic at the Olympic Games et lequel est le plus fort dans Super Smash Bros. Brawl. Les deux icônes du jeu vidéo se rencontreront deux fois plutôt qu'une dans un jeu vidéo. Sega nous proposera un jeu à saveur olympique en novembre et Nintendo un jeu de combat en décembre. Tous deux offerts sur la Wii, ces jeux devraient permettre à Nintendo de connaître beaucoup, beaucoup de succès. Sauf, par contre, avec la nouvelle qu'on a entendue tantôt, le lendemain de l'annonce, Super Smash Bros. Brawl a été reporté au 10 février 2008. Si vous voulez voir des photos de Sonic dans Super Smash Bros. Brawl, allez voir l'article sur le unechance.com. Passons à Microsoft maintenant. Alors que Alors que Microsoft et Sony ont toutes deux baissé le prix de leurs consoles respectives, Nintendo n'a pas l'intention de répliquer. Pas très surprenant, dit l'article de jeuxvideo.jxp.ca. Je me trompe beaucoup aujourd'hui. Pas très surprenant quand on sait que la Wii disparaît des tablettes nord-américaines assez rapidement et que la situation risque d'empirer pendant la période des fêtes. En entrevue avec Reuters, le vice-président au marketing de la compagnie George Harrison a répété que 250 US était un bon prix pour le moment puisque, et je cite, nous vendons tout ce que nous produisons. C'est vrai. À noter qu'au Canada, étant donné la force du dollar canadien relativement au dollar américain, certains détaillants ont légèrement baissé le prix de la Wii entre 10 et 20 $ mais seulement pour stabiliser la chose et rendre ça plus juste pour vous. Voilà. Maintenant, passons à Microsoft. Microsoft offrira une fois de plus de nouveaux ensembles pour les versions de base et élite de sa console Xbox 360. En effet, dès la fin du présent mois, on parle du mois d'octobre, la firme va inclure dans chaque ensemble Xbox 360 les jeux Forza Motorsport 2 et Marvel Ultimate Alliance, et ce, sans frais additionnels. Autrement dit, vous allez pouvoir acheter une Xbox 360 pour 400 $ canadiens ou encore une 360 Elite pour 500 $ canadiens tout en ayant droit à deux jeux gratuitement. Ça représente des économies de plus de 110 $ pour tout futur propriétaire de la console sur le prix d'achat de ces articles vendus séparément. J'adore cette nouvelle, je trouve ça génial. Toujours au sujet de Microsoft, alors que les modèles d'Xbox 360 arrivant en magasin dans les prochains mois comporteront un processeur plus efficace à 65 nm, nom de code Falcon, le successeur de ce modèle est déjà au four, selon le gourou du jeu de Mercury News de San Jose, Dean Takahashi. La nouvelle carte mère possède le nom de code Jasper et fournira, en plus du microprocesseur d'IBM de 65 nm, un chip graphique aussi à 65 nm de ATI. Takahashi prévoit que Jasper pourrait signifier une autre baisse de prix pour les consommateurs, comme la production de consoles Falcon ont été jumelées avec une baisse de prix sur tous les modèles de 360 cet automne. Pour ceux s'inquiétant des problèmes de surchauffe de la console, la carte mère Jasper devrait représenter une amélioration même par rapport au modèle Falcon. Bien sûr, les baisses de prix annuelles sur les consoles ont été courantes sur les générations précédentes, dit l'article de rgamers.com. Donc, les baisses de prix des productions du côté de Microsoft devraient pousser la division des jeux de la compagnie vers une meilleure profitabilité si elle atteint son but de rester à profit durant l'année fiscale en cours. Voilà. Je suis en train de chercher à nanomètre. Simplement, aussi stupide que ça, je cherchais vraiment ce que ça voulait dire. C'était pourtant très évident. C'est nanomètre, le NM. Voilà. Harry Redknapp, entraîneur de Portsmouth. Je suis toujours tellement mauvais dans les prononciations de villes et de pays et de régions et de provinces. Donc, n'est pas content. Il est dans la Premier League, d'accord? On parle de football, d'accord? N'est pas content parce qu'il pense que les jeunes ne s'intéressent plus au foot. C'est un article français, on s'entend que c'est, j'imagine, du soccer, hein? Jeuxvideo.com, c'est français. J'admets toujours mes incompréhensions de l'article. La preuve, il ne voit plus personne jouer dans les parcs publics. Harry Redknapp qui dit ça. Selon lui, la faute en incombe à, et je cite, à la Xbox, qui accapare les jeunes esprits. Et je cite encore une fois. Tout ce que je vois, ce sont des lumières de TV et d'ordinateur qui scintillent à travers les fenêtres de chambre à coucher. On dirait que le football ne peut pas rivaliser avec la Xbox. Ceci dit, Monsieur Redknapp, c'est peut-être encore pire, dit l'article de jeuxvideo.com. Si ça se trouve, ces jeunes avec leurs lumières, ils sont peut-être même carrément en train de lire. Oh wow. C'est tellement un bel article, mais je trouvais que ça pouvait provoquer une petite discussion. Est-ce que la Xbox tue le football? Hein? Si vous avez des commentaires, allez voir sur lunechance.com, cliquez sur Contactez-nous. On veut savoir ce que vous pensez de ça. Est-ce que les jeux vidéo tuent les sports en général? Hein? Et on lira vos réponses en ondes. D'accord? Pendant le Tokyo Game Show, Sony a annoncé l'acquisition complète de Evolution Studios, le studio derrière MotorStorm, et de son petit frère Big Big Studios. Les détails financiers de la transaction n'avaient pas été dévoilés. Cette semaine, le Liverpool Daily Post nous apprend que Sony aurait déboursé 16 millions de livres, soit environ 32 millions de dollars canadiens. C'est le cofondateur Martin Kenwright qui a empoché le plus gros montant, lui qui possédait 75% du studio. L'autre, Ian Etherington, possédait ni plus ni moins le reste, et il a aussi encaissé un beau gros chèque. Il y a des gens qui se sont fait de l'argent cette semaine. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et dernière nouvelle dans ce bloc de nouvelles sur les jeux vidéo, très, très hétéroclite et très rempli d'informations. Les États-Unis auront-ils droit, eux aussi, à une version revue, corrigée et moins chère de la PlayStation 3, demande l'article de GameCult.com posté lundi, le 8 octobre dernier. Nouvelle pas très à jour, mais quand même, s'il y a des nouveautés là-dedans, on vous en parlera la semaine prochaine. C'est en tout cas ce que révèlent les indiscrétions du Hollywood Reporter dans la foulée de l'annonce de la baisse de prix de la console en Europe. Annoncé à 399$, le modèle 40Go de la PlayStation 3 pourrait débarquer sur le sol nord-américain au début du mois prochain, de novembre. Le 2 novembre aux États-Unis, précise une source citée par la publication. Un acheteur dans le circuit de la distribution ajoute que Sony Computer Entertainment America incite les revendeurs à écouler les stocks des modèles actuels 60Go à $500 et 80Go à $600 afin de faciliter la mise en place et le stockage du nouveau modèle. Comme son homologue européen, la PlayStation 3 modèle 40Go vendu aux États-Unis ne serait pas capable de lire les jeux PlayStation 2. Le lecteur de cartes mémoire multiformat et deux des quatre ports USB seraient également sacrifiés au passage de cette nouvelle console à 40Go. Voilà. Maintenant, regardons un petit peu les mots-clés qui ont été les plus recherchés. En fait, ceux qui ont gagné le plus de terrain sur Google, ça s'appelle le Google Hot Trends USA. Pour le 15 octobre, si vous écoutez en direct, c'est aujourd'hui. Donc, on va regarder quelques positions. Tiens, Fox News Channel aux États-Unis a lancé une nouvelle chaîne d'affaires, comme un petit peu comme la chaîne Argent au Québec, ça s'appelle Fox Business. Et FBN, son abréviation, est en 30e position. Et Fox Business Channel est en 3e position, alors que le nom FoxBusiness.com est en 22e. On en retrouve un paquet de choses là-dessus. C'est vraiment quelque chose que les gens veulent avoir. Ensuite, on retrouve en 3e position, en 2e position, pardon, Yo Baby Yogurt. D'accord, Yo Baby Yogurt. Mm-hmm. C'est ça a rapport avec un concours de yogourt, si je comprends bien. Ouais, c'est ça. Et voilà, c'est ce que ça dit. Et en première position, c'est Jane Carey. Voilà, du Jane Carey Band. C'est en première position présentement des mots-clés qui ont pris le plus de terrain aujourd'hui, le 15 octobre 2007. Super. Ensuite, sur la Toile du Québec, les mots qui ont été le plus cherchés la semaine dernière via la Toile du Québec en cinquième position, c'est « monter » pour accéder en quatrième et le reste, c'est « stable » au complet. En quatrième, on retrouve l'Auto-Québec. En troisième, c'est les packs. En deuxième, c'est « Hotmail ». Et en première, c'est « Horoscope ». Vous écoutez La Connexion à C'est Fou 89. Dans une chambre sans projecteur, j'écris une lettre avec mon cœur. Ce soir, ma vie n'a plus de chaleur. Mes yeux n'ont plus la même couleur. C'est plus que je dis, bye bye. On dirait que ma vie déraille. Y'a rien qui plaît pour tout faire rire. La vie, j'ai pas envie de dormir. Les gens qui pensent, je ne pense pas. Les mots méchants, j'ai tout de tard. Y'en a tellement dans cette vie. Oh ouais, baby love, my love. Tu vois que tout est noir autour de toi. If you forget anything, I'll kill you. In fact, you're gonna have to work very hard to spare a knife, Link. Non mais qu'est-ce qu'il dit celui-là? On comprend rien. Spare a knife, Link. Oh non. Spare a knife, Link. Oh non. Link, reste avec moi. Ça donne des frissons sous la peau. Au fond comme des rodéos. Mais c'est moi qu'on prend au lasso. Ah baby love, my love. Tu me fais toujours rêver. Baby love, my love. Tu me fais toujours bander. Tu n'as jamais vraiment quitté. Tu me fais toujours bander. Au retour, on parle de cybercriminalité avec un iPod rempli de roches et d'Interpol qui cherche à démasquer un pédophile. C'est au retour à la connexion. À C'est fou 89.1. La connexion est présentée par Nico Vidéo et Univers Informatique. Bonjour, c'est la deuxième demi-heure de la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. Dans quelques minutes, c'est le bloc cybercrime. On va parler d'aide au suicide sur Internet. Un Japonais a été arrêté par rapport à ça. On va aussi parler de OnStar avec les voitures qui va arrêter les voleurs automatiquement. Ça va être génial. Et des jurés qui souhaitent une peine exemplaire pour le téléchargement. Et de Radiohead aussi. Radiohead avec leur vente d'albums sur Internet. Mais tout de suite en musique, on parlait de... Oui, après la pause musicale, on va parler d'Interpol qui cherche à démasquer un pédophile. Je me suis dit pourquoi pas jouer un petit peu d'Interpol. Hein? Voici No I in Threesome à la connexion à C'est fou 89 FM dans vos oreilles. Paul avec No Eye in Threesome à la collection. Maintenant, c'est le bloc cybercrime. Il y a avec une nouvelle qui a marqué le monde de la cybercriminalité et de tout ce qui est illégal ou croche cette semaine à la connexion. On commence par la police japonaise qui a arrêté la semaine dernière un homme qui dirigeait un site internet proposant une aide au suicide pour le meurtre d'une femme qu'il avait payée pour mettre fin à ses jours. Kazunari Saito, un électricien de 33 ans, a été interpellé pour avoir donné à Sayaka Nishizawa, 21 ans, des somnifères avant de l'étouffer en avril, selon un responsable de la police de Kanagawa, au sud de Tokyo, tenu à l'anonymat. Sayaka Nishizawa a contacté Kazunari Saito, ça va faire pour les noms, par le biais de son site internet et l'a payé 1200 euros pour la tuer, selon ce responsable. Le père de la victime a découvert le corps de sa fille le 16 avril dans son appartement de Kanagawa. La police enquêtait après avoir trouvé un mot suggérant que la jeune femme s'était suicidée, mais son téléphone et ses clés étaient introuvables, selon l'agence Kyodo. Kazunari Saito a expliqué à la police que la victime lui avait demandé de mener à bien le processus, selon Kyodo. Kazunari Saito a lancé son site en juin 2006 pour donner des informations aux candidats au suicide, selon l'agence japonaise. La police ne pouvait pas confirmer dans l'immédiat si le site était toujours ouvert. D'après le quotidien Yomiuri, la jeune femme avait écrit au début avril à son bourreau, et je cite, « Je veux mourir, comment puis-je mourir? » Kazunari Saito a alors répondu, et je cite, « Je vais vous donner beaucoup de somnifères, je vais vous aider. » Le taux de suicide au Japon est parmi les plus élevés des pays industrialisés. Pour la 9e année consécutive, plus de 30 000 personnes s'y sont donné la mort en 2006. Cette nouvelle très, très déprimante. Une cliente de la chaîne Target a eu une bien mauvaise surprise en déballant son tout nouveau iPod. L'anniversaire de votre fille de 14 ans arrive à grands pas. Et bien, comme tout parent cool, vous lui offrez un iPod, dit l'article de branchezvous.com. Vous vous en procurez un dans une succursale de la grande chaîne Target et de retour chez vous, vous l'emballez avec soin. À la fête d'anniversaire, votre fille trépigne d'impatience. Lorsqu'enfin, elle reçoit son cadeau et le déballe, elle sort de la boîte des cailloux soigneusement emballés. C'est ce qui est arrivé à une famille du Texas. Évidemment, ils se sont empressés de retourner au magasin pour se faire rembourser la boîte de rush. La chaîne applique une rigoureuse politique d'échange ou de crédit en magasin. Le magasin où la mère s'était procuré l'appareil n'ayant plus d'iPod, la famille s'est rendue dans une autre succursale où elle a consenti donc à reprendre un iPod, évidemment sous la condition de vérifier le contenu de la boîte. La politique est claire. Pour ouvrir la boîte, il faut d'abord procéder à l'échange. Une fois le nouveau iPod en sa possession, la jeune fille ouvre la boîte au magasin et trouve encore une fois des rushs dans la boîte. Le personnel du magasin refuse encore une fois de rembourser les acheteurs malchanceux qui doivent sélectionner d'autres marchandises du magasin pour ne pas repartir avec leur boîte de rush. Target enquête actuellement dans ses entrepôts afin de découvrir où s'est produite la substitution. Jusqu'à présent, la chaîne n'a émis aucun commentaire, en tout cas en date du 10 octobre dernier, ni excuse. Ils n'ont pas encore fait d'excuse en date de l'article. Donc, un cas d'application des politiques à l'aveugle, dit l'article de branchezvous.com. L'organisme Interpol a recours à une technologie d'imagerie avancée et fait appel au public pour trouver l'identité de l'homme. Interpol a divulgué la semaine dernière 4 photos d'un pédophile qu'elle cherche à démasquer. L'homme parcourt le monde et s'attaque à de jeunes garçons, notamment au Vietnam et au Cambodge. Les photos publiées mardi 9 octobre, voilà, ont été reconstituées à partir d'images publiées sur Internet. L'homme avait utilisé en effet un effet Photoshop pour cacher son visage, mais à l'aide de nouvelles technologies d'imagerie. La police allemande et Interpol ont réussi à reconstituer le visage de l'homme qui a publié tout près de 200 photos de 12 garçons âgés entre 6 et 12 ans. Voilà. Par cette mesure exceptionnelle, Interpol espère obtenir rapidement des renseignements sur l'homme. Il s'agit d'un coup de dé pour l'organisme, car en appelant ainsi du public, l'organisme présente en même temps aux pédophiles potentiels une nouvelle technique permettant de les identifier. Ceux-ci seront donc sur leur garde et chercheront à mieux protéger leur identité. Au bout du compte, le coût de dé pourrait s'avérer payant pour Interpol, car en moins de 12 heures, ils ont reçu plus de 200 messages. L'homme recherché est dans la trentaine, a les cheveux bruns, courts et, selon une photo, portrait des lunettes. Si vous voulez les détails, allez voir Interpol cherche à démasquer un pédophile sur le unechance.com. Le système de sécurité OnStar de la compagnie GM pourra bientôt arrêter la course d'une voiture volée et éviter les poursuites en voiture. 20 modèles 2009 de GM seront munis du nouveau OnStar. Lorsque la police en fera la demande, OnStar va couper le moteur d'un véhicule volé, mais le volant et les freins vont toujours fonctionner. Les voitures pourront donc arrêter en toute sécurité, facilitant ainsi le travail des policiers. 404 personnes sont mortes l'an dernier des suites de poursuites policières aux États-Unis. Le nouveau système pourra également diffuser un message préenregistré prévenant le voleur de l'arrivée de la police. Cette possibilité est toutefois loin de faire l'unanimité chez OnStar, puisque certains craignent qu'un voleur averti qui les suivi puisse, par exemple, décider de se jeter au bas d'un précipice avec l'automobile, a confié à l'Associated Press Chet Huber, le président de OnStar. Les usagers qui ne seront pas chauds à l'idée que la police puisse arrêter leur véhicule à distance pourront ne pas souscrire au programme OnStar, mais 95% des usagers seraient intéressés à un tel système selon les recherches menées par OnStar. OnStar compte 5 millions d'abonnés et permet de retrouver entre 700 et 800 véhicules volés par mois grâce au GPS intégré. Certains jurés auraient voulu que la femme qui la semaine dernière a été reconnue coupable de téléchargement illégal de musique sur Internet écope de l'amende maximale, soit de 3,6 millions de dollars. C'est ce qui ressort des propos de Lisa Reinke, l'une des jurés dans le cadre d'une entrevue donnée cette semaine à l'Associated Press. La semaine dernière, Jamie Thomas, 30 ans, a été condamné à payer une amende de 9 250 dollars par chanson pour les 24 chansons qui étaient en cause dans son procès. Hein? J'espère que vous vous rappelez de ça, parce que si vous l'avez entendu une fois, vous l'avez retenu, 9 250 $ par chanson. Total de la facture, 222 000 $. Elle était poursuivie par 6 compagnies de disques pour avoir eu en sa possession, sur son ordinateur, plus de 1 700 pièces musicales disponibles pour téléchargement dans un dossier CASA. Hein? Dès le départ, et je cite, « Nous avons convenu qu'elle était coupable. Les discussions ont plutôt porté sur le montant de l'amende à payer. Certains d'entre nous auraient voulu qu'on lui impose le maximum, soit 150 000 $ par chanson pour un total de 3,6 millions de $. Après discussion, nous nous sommes finalement entendus sur un montant », a déclaré Mme Reinke. La loi permettait aux juges d'imposer une amende variant entre 750 et 150 000 $ par chanson. Dans le groupe des 12 hommes et femmes qui composaient le jury, certains ont avoué avant le procès avoir déjà téléchargé légalement de la musique sur Internet. D'autres se sont déclarés carrément illettrés en ce qui a trait à Internet. Madame Reinke a révélé que jamais les membres du jury n'ont discuté des conséquences de cette amende sur l'accusé, une mère de famille monoparentale dont le revenu annuel est de 36 000 $. Quant à l'avocat de l'accusé, Brian Toder, il étudie toujours la possibilité de porter la cause en appel. À son avis, l'amende est beaucoup trop élevée, compte tenu du fait que chaque chanson pouvait être achetée en ligne à 99 cents. L'argument parfait, ça. Par exemple, tu sais, chaque pièce légalement téléchargée aurait coûté 99 cents. Et là, il charge combien? 9 250 $ par chanson. C'est 9 250 fois plus qu'un dollar. Ridicule. Et finalement, la grosse nouvelle de la semaine dernière, si vous vous en rappelez, environ un tiers des personnes qui ont pré-réservé le dernier album de Radiohead ont choisi de ne rien payer. Oui. Donc, environ un tiers des personnes qui ont pré-réservé le dernier album du groupe de rock anglais Radiohead, disponible depuis mercredi uniquement par téléchargement sur Internet, ont choisi de ne rien payer, écrit le quotidien britannique The Times dans l'édition de jeudi dernier. Donc, rappel des faits. Le 1er octobre, le guitariste Johnny Greenwood avait annoncé sur le site du groupe que le dernier album baptisé In Rainbows était terminé et qu'il pourrait être téléchargé à partir du 10 octobre à un prix que chaque acheteur était libre de déterminer lui-même. Le Times mentionnant une enquête en ligne réalisée par la lettre d'information Record of the Day auprès de 3000 acquéreurs de l'album souligne qu'environ un tiers des fans ont décidé de conserver leur argent pour eux. Bande de lâches. En cliquant à partir du site de Radiohead sur le nom de l'album, l'internaute est transporté sur le site consacré à ce nouvel opus, inrainbows.com, où il a pu s'inscrire pour télécharger l'album de 10 chansons à partir du 10 octobre. Pour le prix, c'est marqué « C'est comme tu veux » sur le site, et il est possible d'entrer une somme comprise entre 0 et 99 livres ou 143 euros environ. Le groupe n'a donné aucune indication sur le nombre de téléchargements et sur la somme totale collectée, et je cite « Espérons que vous prenez du plaisir à écouter le téléchargement de In Rainbows. C'est un soulagement pour nous qu'il soit enfin sorti. Ça a été 2 semaines folles », a écrit le chanteur Tom York sur le site. Selon l'enquête publiée par le Times, le prix moyen acquitté par les personnes interrogées est de 4 livres, 5,78 euros, mais 67 personnes ont versé plus de 10 livres, ou 14,45 euros, et une douzaine plus de 40 livres, soit 57 euros. Évidemment, si tu veux encourager le site, regardez ça. Radiohead, d'accord, décide de se séparer de leur label et vendre leur album à un prix que vous décidez sur Internet et les gens osent mettre 0$. Je suis vexé, offusqué, offensé, peu importe le mot que vous voulez utiliser, je trouve ça ridicule. Au moins donner quelque chose, au moins donner le prix de l'album, au moins, ah, ça me révolte. Enfin bon. Revenons au sujet. Depuis 300... J'avais pas l'air vraiment fâché, hein? Mais je le suis quand même. Depuis 351 personnes ont dit avoir acheté le coffret coûtant 40 livres fabriqué uniquement sur commande qui contient notamment l'album sur CD et vinyle ainsi qu'un second CD avec 8 nouvelles chansons supplémentaires et des photographies numériques. Un critique du quotidien The Guardian qui affirme avoir versé 40 livres a attribué un prix recommandé de vente dans le commerce à chacune des chansons allant de 12 pence pour All I Need à 45 pence pour Weird Fishes Apogeo, ce qui donne un prix total pour l'album de 3,03 livres ou 4,37 euros. Donc, il dit que vous devriez payer environ, je sais pas, 5$ pour l'album, pour ce que ça vaut. Moi, je dis, encouragez le band. Wow, tu sais, Commons. Vous avez la chance d'encourager une nouvelle façon de distribuer la musique et vous donner 0$. C'est tellement frustrant. Voilà qui fait le tour du bloc cybercrime. Ici à la connexion à CFOU 89.1 FM. Avant de continuer, regardons un petit peu les jeux les plus loué la semaine dernière au Super Club Vidéotron. En cinquième, on retrouve Mario Party 8 sur la Wii. En quatrième, c'est Project Gotham Racing 4 sur la 360. En troisième, c'est NHL 08 sur la PlayStation 2. En deuxième, c'est le même jeu sur la Xbox 360. Et en première, le jeu le plus loué au Super Club Vidéotron, c'est Halo 3 avec sur la console Xbox 360. Je vous rappelle que vous écoutez l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. C'est la connexion à CFOU 89.1 FM. Et tout de suite, voici El Motor et Animea à CFOU 89.1 FM dans vos oreilles. Autant vous dire n'importe quoi. Ce que vous savez déjà, autant se faire vider la tête par une épidémie de verre. Vos colonies de singes, vos perroquets savants. Predator avec Alidea à la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo à C'est Fou 89.1 FM. Maintenant, c'est le fil technologique. Quelques nouvelles qui ont marqué le monde des technologies qui ne sont pas en informatique et qui ne sont pas en jeux vidéo. En fait, la première nouvelle se rattache un petit peu à l'informatique quand même. Maintenant que Radiohead a ouvert la porte, on en parlait tantôt, d'autres artistes s'empressent également de la franchir. Dans son billet, François Tadé de branchezvous.com demande si d'autres artistes emboîteront le pas à Radiohead et quitteront leur maison de disques. Eh bien, la réponse n'a pas tardé à venir. D'abord, Oasis et Jamiroquai ont annoncé leur intention d'imiter Radiohead. Ensuite, les membres de Charlton, un groupe géré par l'un des membres de Oasis, ont déjà annoncé leur intention d'offrir gratuitement leur nouvel album en téléchargement. De plus, Trent Reznor de Nine Inch Nails a exprimé son soulagement de s'être débarrassé de sa maison de disques et William des Black Eyed Peas a confirmé à USA Today que son album solo ne sera pas distribué par Tower Records, une grande chaîne de magasins de disques, mais plutôt par votre nièce, c'est-à-dire les fans. Finalement, Madonna, la grosse nouvelle de la semaine. Madonna a conclu une entente d'une valeur de plus de 100 millions de dollars avec un promoteur de concerts et de marchandises plutôt que de signer avec une maison de disques. Ses prochains albums seront donc distribués par ce promoteur plutôt que par les voies de distribution habituelles. Il n'est pas question de téléchargement gratuit, par contre, mais le geste en dit long, dit l'article. Les principales sources de revenus des artistes sont les concerts et les produits dérivés et non les albums. Les internautes, je regarde ça, est-ce que c'est... C'est ça. C'est bien le fil informatique et non le fil technologique. Je m'excuse. C'est ça. Les internautes anglophones sont encore les plus nombreux sur Internet, mais leur prédominance est de plus en plus concurrencée par la présence d'internautes pratiquant les langues asiatiques, selon InternetWorldStats.com. Selon le site Internet, 31% des 1,2 milliard d'internautes, soit 366 millions, ont l'anglais comme langue maternelle. Le nombre d'internautes sinophones, c'est-à-dire chinois, aurait pour sa part quintuplé en 7 ans pour atteindre 184 millions, soit 15,7% du nombre total de personnes ayant accès à Internet. En troisième position se trouvent les 102 millions d'internautes dont la langue principale est l'espagnol, représentant 8% du total des internautes. Ils sont suivis par 7,4% d'internautes qui parlent japonais, soit 86 millions. Le français se retrouve en cinquième position du palmarès, un internaute sur 20 étant francophone, 59 millions. Le français serait au même niveau que l'allemand. Ensuite, on retrouve le portugais, le coréen, l'italien et l'arabe. Ça complète le tableau d'InternetWorldStats.com. Le site Internet souligne cependant que ces statistiques ne tiennent pas en compte que plusieurs centaines de millions d'internautes peuvent comprendre d'autres langues que celles qu'ils emploient à tous les jours. Les résultats sont dans l'article qui s'appelle « Internet, l'anglais domine encore ». C'est sur le site de l'émission au unechance.com. Peter Grunberg et Albert Firth ont reçu cette semaine le prix... le prix Nobel de la physique pour leur travail sur la magnétorésistance géante. Si les ordinateurs d'aujourd'hui n'ont plus la taille d'un réfrigérateur, eh bien c'est en partie grâce à ces deux hommes, dit branchezvous.com. Si Apple ne cesse d'impressionner en offrant des iPods toujours plus petits et ayant une grande capacité de stockage, c'est aussi en partie grâce à eux. Les deux hommes ont découvert à peu près en même temps avec des équipes de recherche distinctes la magnétorésistance géante, ou le GNR. Leur découverte en 88 a mené à des essais en 89 chez IBM qui ont permis de concevoir un disque dur avec des matériaux suffisamment peu dispendieux pour permettre la mise en marché. Cette même technologie encore aujourd'hui constamment perfectionnée qui permet de créer des disques durs de plus en plus petits et offrant une capacité de stockage de plus en plus grande. Selon le comité des prix Nobel, la GMR, la magnétorésistance géante, peut être considérée comme la première application importante de la nanotechnologie. La nanotechnologie a permis de créer des têtes de lecture de plus en plus sensibles, en mesure de lire l'information dans les disques durs compacts intégrés dans des portables et certains lecteurs MP3. Aux États-Unis, selon la maison de recherche NPD Group, 20% des licences Office vendues dans ce pays seraient achetées par des utilisateurs de Mac. Plus intéressant encore, 10% des licences des versions professionnelles et intégrales du système d'exploitation Windows Vista sont achetées par des utilisateurs de Mac. Dur à croire. Avec des parts de marché comme ça, c'est la preuve que les ordinateurs Mac prennent de plus en plus de place dans le parc informatique, dit Bruno Gouli-Almietti de Radio-Canada. Probablement beaucoup plus que les 5% qu'on donne ordinairement aux Mac, parce que la plupart des gens croient que les Mac, c'est 5% de la population. Je l'ai dit même plusieurs fois, mais apparemment que c'est pas nécessairement le cas. Voilà. C'est pour l'instant, ça va faire pour les nouvelles informatiques. On aura quelques autres petits trucs à mentionner tantôt, dont Google qui vaut maintenant plus que Walmart. Et puis Google qui est toujours en tête de recherche. On parlera de Google tantôt. Mais avant, continuons notre série en concert. Pourquoi ne pas continuer cette merveilleuse série qui dure depuis des semaines et des mois ici à La Connexion? C'est la série Relics of the Shouzo, a Super Metroid Musical Collaboration. C'est en fait une collection de pièces recréés par des gens comme vous et moi qui apprécient la trame sonore de Super Metroid au Super Nintendo. Cette semaine, on écoute les pièces 10 et 11 pour commencer. Il y a Proto City avec Sudden Death, Sudden Battle Team et Proto City avec A Change and a Passing Shozo Torian. C'est tout de suite à la connexion à C'est Fou 89.1 FM. Connexion est présentée par Nico Vidéo et Univers Informatique. Bonjour, c'est la deuxième heure de La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Je m'appelle Mathieu Plante. Je m'appelle Caroline Cloutier et on a décidé que mon nom officiel était Peach. Alors voilà, je me présente, Caroline Cloutier, Peach. Peach. Voilà. C'est beau, hein? Ben oui, c'est beau, c'est simple, c'est sec, c'est précis, c'est excellent. C'est fluité, on pourrait dire. Ben ah oui, c'est fluité comme une paire. Mais pas velu. Non, pas velu, je dirais plutôt doux et croquant. Non, c'est pas croquant, mais aussi croquant un peu, une pêche. Pas encore essayé, je sais pas. De la personnalité. Ah. Est-ce que j'ai une personnalité croquante? Oui. Bon, ben voilà. Bon. Alors tout me va comme une pêche. Presque invisible. n'avait confié avec la pièce Aspirine de leur album LP 2. C'est sur les palmarès francophones cette semaine au 89 FM dans vos oreilles. Donc maintenant c'est l'heure avec Caroline et moi. Bien sûr, nous deux, tout le monde ensemble. Allez, go, oui, c'est le fun. Woo! Party. Party. OK. Parlons un petit peu de Google. Tiens, tantôt dans le fil informatique, on n'avait pas terminé. Google vaut maintenant plus que Walmart. C'est confirmé. Donc, depuis lundi, en fait, l'article date du 9 octobre. Depuis lundi, l'action en bourse de Google s'échange autour de 610 $. Compte tenu du nombre d'actions en circulation, on peut dire que la compagnie a maintenant une valeur boursière de 187 milliards $. C'est moins que Cisco Systems, mais c'est plus élevé que Walmart, Coca-Cola, HP et IBM. Donc, il y a 3 ans, lors de son arrivée en bourse, on avait mentionné la connexion, l'arrivée en bourse de Google, souvenir. L'action de Google valait 85 $. Et les plus grands bénéficiaires de cette forte remontée sont certainement les deux cofondateurs, Larry Page et Sergey Brin, tous deux âgés de 34 ans. Leur fortune personnelle est évaluée à près de 20 milliards de dollars. De plus, des centaines d'employés de Google sont maintenant multimillionnaires en raison du nombre d'actions détenues et du régime d'options d'achat de la compagnie. Pas si mal pour une compagnie qui a à peine 10 ans. C'est assez big. Très, très gros. 20 milliards, t'imagines-tu? Ouf! Qu'est-ce qu'on fait avec 20 milliards? Qu'est-ce qu'on fait pas avec 20 milliards? Ben, pas grand-chose, hein? Non, c'est ça, on peut tout faire. Ouais. Ensuite, toujours au sujet de Google. Selon la maison de recherche Comscore, Google détient toujours la première place du palmarès des outils de recherche sur Internet. Un sondage réalisé pendant le mois d'août dernier indique que Google a reçu 37,1 milliards de requêtes. Yahoo arrive au second rang du palmarès avec 8,5 milliards de requêtes. Et le moteur de recherche chinois Baidu obtient la troisième place avec 3,2 milliards de recherches. On retrouve MSN Search et Windows Live Search de Microsoft au quatrième rang, ce qui est surprenant, je ne m'attendais même pas à le voir là-dedans, avec 2,2 milliards et le moteur sud-coréen Naver avec 2 milliards de requêtes. En fait, maintenant que j'y pense, Microsoft intègre tellement ses engins de recherche à tout ce qu'ils font, que ce soit dans Explorer ou dans Je pensais à Hotmail, il y a tout le temps un bouton, quelque chose, Windows ouais. Live, fait que c'est sûr que le monde va juste cliquer là-dessus pour aller chercher, sans se demander quel est le moteur de recherche. Je pense que le monde, en général... S'en fout un peu, oh, hein, je pense. Ouais. En tant que le résultat soit devant eux, facilement. Non, j'avais pas pensé à ça, c'est vrai. Fait juste y penser. Maintenant, technologie. Le gouvernement britannique vient d'autoriser qu'une étude soit effectuée sur les effets du Wi-Fi sur la santé humaine, selon BBC. L'Agence britannique de la protection de la santé sera chargée de savoir quelle est la quantité d'ondes électromagnétiques émises par différents appareils Wi-Fi et quels sont leurs effets sur la santé humaine. Dans un communiqué de presse, la directrice générale de l'agence a déclaré que le peu d'études sur le sujet était un argument suffisant pour en effectuer une qui soit exhaustive. La HPA, la Health Protection Agency, se fait toutefois rassurante et soutient que l'étude confirmera fort probablement que les risques du Wi-Fi sur la santé humaine sont inexistants ou négligeables. La HPA a indiqué qu'elle publiera les résultats de son étude dans diverses revues scientifiques. L'annonce de la HPA survient après que les représentants d'une association d'enseignants aient déclaré que de nombreuses écoles utilisaient des appareils Wi-Fi sans en connaître la portée sur la santé des élèves, c'est important de le savoir, je pense. Ben oui, mais bon, je me serais jamais posé la question, mais je crois pas vraiment que ça ait un effet négatif. Non. Je veux dire, pourquoi ça plus que, mettons, un micro-ondes? Ouais. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on en sait? Ça vaut la peine de faire non, des recherches c'est certain. Là-dessus. Ouais. Ouais. C'est pas parce que le cancer est pas encore réglé qu'on peut pas faire des recherches sur le Wi-Fi. Non, mais je suis d'accord de faire une recherche, mais je suis pas certaine qu'ils vont trouver des résultats concluants. Mm-hmm. Non, je suis d'accord. Deux propriétaires américains du iPhone intentent cette semaine, l'article date du 12 octobre, une action collective contre Apple et AT&T, leur réclamant 1,2 million de dollars en dommages. La plainte a été déposée par les avocats de Paul Allman de Washington et Lucy Rivello de Californie. Ces deux individus soutiennent qu'Apple n'a pas le droit de les forcer à s'abonner au service de AT&T, car la loi américaine stipule qu'une carte SIM est juridiquement liée à son opérateur mobile et non au fabricant du téléphone cellulaire. De plus, les deux plaignants soulignent dans leur plainte qu'Apple n'a pas le droit de les empêcher d'utiliser des logiciels tiers conçus par d'autres firmes. Rappelons qu'Apple a publié il y a plus d'une semaine une mise à jour de son iPhone qui a rendu inopérant les appareils débloqués pour être utilisés avec d'autres opérateurs qu'AT&T. Cette mise à jour a également supprimé la plupart des logiciels tiers qui ont été installés dans les téléphones cellulaires. Dans la plainte, Paul Allman soutient également qu'il a souvent à voyager pour son travail et qu'il a le droit de pouvoir utiliser son iPhone avec les opérateurs mobiles des pays qu'il visite. Parce que la mise à jour a été conçue spécifiquement pour empêcher les propriétaires du iPhone de l'utiliser avec un autre opérateur que AT&T ou d'installer les logiciels tiers. Ouais. Mais je trouve ça un peu bête. Parce que oui, dans le fond, c'est sûr que ça fait comme une espèce de publicité ou d'exclusivité à AT&T, mais c'est pas pratique pour les utilisateurs de iPhone qui sont ailleurs ou qui n'ont pas accès à ça. Ou tu sais, ici, on ne pourrait même pas s'en servir. Hein. Non, c'est ça. Donc, je trouve ça un peu ridicule de limiter dans le fond le marché parce que c'est pas tout le monde qui peut s'en servir. Hein. tout à fait. Mais 1,2, pas sûr. C'était combien? C'était 1,2 million de dollars en dommages? Ouais. Pas sûr. On va loin un peu. Un homme d'Atlanta a eu la mauvaise surprise de voir son lecteur de musique numérique iPod Nano s'enflammer littéralement dans la poche de son pantalon. Ce iPod vieux de 2 ans a pris feu dans une des poches de Danny Williams à l'aéroport international de Hartsfield-Jackson à Atlanta, où il est employé. Selon la mère de M. Williams, Elaine, les flammes ont duré 15 secondes et le feu s'est rendu jusqu'à sa poitrine, a-t-elle décrit en entrevue téléphonique. Des représentants d'Apple ne pouvaient être contactés pour commenter au moment d'écrire ces lignes, dit l'article qui a été écrit en date du 9 octobre. Hein, pourquoi pas? La compagnie a depuis fait parvenir un emballage de retour à Danny pour qu'il leur renvoie l'iPod. Pas de nano, selon sa mère. Du papier glacé dans sa poche aurait empêché qu'il ne soit brûlé par les flammes de surchauffe de son appareil, selon Danny Williams aux nouvelles locales. Il s'en est tiré avec quelques poils grillés. Si la TSA, Transportation Security Administration, avait été sur place et m'avait vu en train de fumer ainsi, ils auraient eu toutes les raisons du monde de penser que j'étais un terroriste, aurait dit M. Williams. Le iPod est équipé d'une batterie lithium-ion, une technologie qui a un historique chargé d'incidents de surchauffe impliquant des ordinateurs portables. Depuis le mois de décembre 2005, ces batteries ont été mises en cause dans plusieurs cas de fonte et de feu sur des ordinateurs. L'année dernière, plusieurs fabricants, notamment Apple, Dell et Lenovo, ont été forcés de rappeler des millions de ces batteries. Sur Internet, si vous voulez voir l'entrevue vidéo sur Fox News avec le propriétaire du iPod qui a pris en feu, allez voir l'article qui s'appelle « Un iPod Nano prend feu dans le pantalon de son propriétaire » sur le site de l'émission au www.unechance.com. Mais Mathieu, oui? Pourquoi quelqu'un traînerait du papier glacé dans sa poche? Bonne question, hein? Du papier glacé, c'est... Je veux dire, du papier glacé pour faire, mettons, un dessert ou quelque chose comme ça, mettre dans le fond d'un plat. C'est pas moi, du papier glacé, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est du papier magazine glacé? On sait pas. Bon, mais OK, dans le fond, il aurait pu déchirer une page de magazine, peut-être, la plier, ouais, et la mettre dans sa poche. Pourquoi pas? Bon, dans ce sens-là, ce serait plus pratique. Moi, je pensais au papier de la cuisine, je voyais pas l'intérêt d'en avoir dans sa poche. C'est peut-être ça aussi. Je trouve ça un peu étrange. Mais en même temps, pourquoi est-ce qu'un iPod devrait ne pas... Pourquoi est-ce que l'iPod prendrait en feu aussi que tu mets un papier glacé dans ta poche? C'est normal, me semble, de faire un appareil qui prend pas en feu avec ça. En tout cas, je sais pas. Drôle d'affaire. Microsoft a confirmé vendredi le 12 octobre à des journalistes qu'aucun projet pour un Zoom Phone n'est actuellement sur la table. Un Zoom Phone. En entrevue avec le journal économique Les Échos, Peter Nook, responsable de la division mobile de Microsoft, a affirmé que la compagnie américaine allait plutôt continuer de développer son système d'exploitation pour les téléphones cellulaires qu'on appelle Windows Mobile. Ils vont aussi travailler sur une plateforme de téléchargement musical pour mobile, un Zune Marketplace pour Windows Mobile, que nous proposerons à tous nos partenaires. Les partenaires de la compagnie sont les fabricants de téléphones cellulaires intelligents HTC, Hewlett-Packard, Samsung et LG. Entre juin 2006 et 2007, Microsoft a équipé 11,5 millions de leurs téléphones cellulaires intelligents avec son système d'exploitation et prévoit l'installer dans plus de 20 millions de nouveaux appareils d'ici juin 2008. Apple prévoit de son côté avoir vendu 10 millions d'exemplaires de son iPhone lorsque le téléphone cellulaire à écran tactile célébrera son premier anniversaire en juin 2008. Bien que ça représente la moitié des ventes de téléphones cellulaires équipés de Windows Mobile en un an seulement, Peter Nook n'est pas trop inquiet de l'arrivée de ce concurrent et je cite « Nos objectifs sont basés sur la réalité, alors que ceux d'Apple ne sont que des aspirations. 3 mois après le lancement de l'iPhone aux États-Unis, les ventes sont retombées », a-t-il déclaré à Les Échos. Malheureusement, c'est dommage, hein, parce que ça marche tellement bien, le Zune. Non, mais tu sais, t'as un flop, tu veux faire un deuxième flop. Ouais, ben ça, je me dis, c'est pour ça que j'ai ri un peu. Dans le fond, je vais justifier mon rire, c'est que... Ouais. Bon, c'est pas un truc qui marche, le Zune, ou non. La Zune, la comme tu aimes bien l'appeler. Ils veulent la faire en téléphone, en fait, non, ils veulent pas en faire, mais... Je comprends pas le gars là, qui a dit « Hey, on pourrait en faire un téléphone, on va leur demander s'ils veulent en faire un. » C'est comme ça, à peut la penser, base, ça marche pas. Ça peut penser à Nokia qui ont sorti leur N-Gage, qui est un téléphone cellulaire accompagné d'une console de jeu. Ouais, ça a été un flop total, ouais. Ils en ont fait une autre version. Pourquoi pas, tu sais. On va en faire un autre, au cas où, à un moment donné, ça peut-être marcher. Quelle marche bonne pas. Idée, tu sais. Ils sont comme persistants, persévérants, mais... Ouais. Ah, faut les admirer pour ça, par exemple. Oui, mais moi, j'aurais pris une meilleure idée et la pousser au bout plutôt que de prendre un flop et la pousser au bout. Ça fait un flop plus gros. Je sais pas. Moi, un méga flop. Question logique. C'est quoi ça, un méga flop? Ah, ça veut sûrement dire que ça marche. voilà. Donc, non, mais peut-être que les compagnies devraient lire les blogs. Idée comme ça, là, parce que les blogs ont souvent de bons conseils. Les blogs écrits par des gens comme vous et moi. Ben, de bons conseils, puis aussi des bons commentaires. Donc, tu sais... Les gens qui auraient des bonnes idées, qui pourraient essayer de développer genre, et de ne pas en faire des flops, justement. Les gens qui disent « Pourquoi vous feriez ça? » Ce serait un flop. Ben parce oui. que dans le fond, c'est nous qui va l'acheter. Mm-hmm. Donc, c'est nous qui décide si c'est un flop ou pas. Et voilà. Et voilà. Consultez la population, chères entreprises multinationales. prochain sujet. Tiens, deux plaintes ont été déposées aux États-Unis contre Apple et l'opérateur téléphonique AT... Pardon. Je m'excuse, c'est le même article que ton tour. Oh, j'aime non. ça quand je fais ça, c'est beau ça, j'aime ça, c'est le fun. Ça paraît bien. Ben oui, absolument, la radio, c'est génial. Tiens, vous avez de l'argent à dépenser? Dépensez-la sur les nouveautés en magasin cette semaine. Pourquoi pas? Ah oui! Bon, j'aime ça. La semaine semble plutôt relaxe après une période assez agitée, dit l'article de hardgamers.com. Il s'agit surtout d'une pause avant le grand saut pré-période des fêtes. Hein? Pourquoi pas? Mois de novembre, ça va être gros. Ouh, ouh, ouh. Multiplateforme, tiens, sur DS, PS2, PS3, Wii et Xbox 360, on retrouve Tony Hawk's Proving Ground. Ensuite, on retrouve sur DS et Game Boy Advance The Bee Game. Et sur PlayStation 2, Wii et Xbox 360, c'est le jeu Avatar The Last Airbender. Sur DS, Fish Tycoon, Prism Light the Way, Full Metal Alchemist Trading Card Game, Sea Monsters A Prehistoric Adventure, Disney Princess Magical Jewels, Flash Focus Vision Training in Minutes a Day, Power Rangers Super Legends, World Jung et Anna Montana Music Jam. Ça me fait au moins le trois quarts de ces jeux-là qui ont un nom, deux petits points, un autre nom. Ouais, la ben, mode, c'est... Je pense qu'ils veulent expliquer c'est quoi le jeu parce que sinon personne l'achèterait. C'est ça. Mais en entendant tout ça, moi, je sais pas, je trouve pas ça génial. Je les connais pas, mais juste les noms, c'est pas attirant. Non. C'est pas des trucs qu'on a entendu parler, puis le nom n'a pas l'air le fun. Fait que je pense pas que ça va marcher ça non plus. Sauf Disney Princess. Peut-être Power Rangers, puis ouais. Anna Montana avec l'émission de télé. Ah, oh, mais c'est pas des bons jeux en tant que tel. Non. C'est juste une espèce de placement de produit, voilà. Parce que c'est un nom qu'on connaît, mais... C'est... Le jeu est sûrement mauvais. Je comprends pas l'acharnement de faire des jeux mauvais, mais qui vont se vendre. C'est ça le pire, c'est que ces jeux-là se vendent. Totalement. Les petites filles trippent sur Anna Montana vont lâcher le jeu Anna Montana. Oui. Mais en même temps, il y en a qui sont bons là-dedans. C'est comme les jeux peut-être basés sur des films, Spider-Man, ça peut être bon des fois comme jeu aussi. Mais la plupart du temps, c'est très mauvais. Hein. Oui. Dommage. Mm-hmm. Capitaliste. Sur PC, on retrouve The History Channel Great Battles of Rome, Zoo Tycoon 2 Extinct Animals, ça pourrait marcher. Heroes of Might and Magic 5 Tribes of the East aussi. Seven Kingdoms Conquest, Flight Deck 5, Dawn of Magic, Sega Rally Wevo, Fury, Mahjong Garden Deluxe, Mahjong. Trains Railways avec des Z à la fin de chaque. Spellforce Universe, Deal or No Deal, Secret Vault Games. Imaginez, un jeu sur le banquier, c'est des secondes de plaisir. Ça, ben, ça va sûrement fonctionner quand même aussi. C'est assez gros comme émission. Donc, ça va sûrement fonctionner sur le même principe de Anna Montana. Ça doit-tu être plate, pareil? Deal or No Deal, en jeu vidéo. Ben, écoute, il y a du monde qui joue sur Internet, puis t'as juste 6 valises. Mm-hmm. Quand en jeu vidéo, si t'as plus que 6 valises, moi, je pense que ça devrait marcher. Ouais. C'est vrai. Encore là, je dis pas que ça va être bon. Je suis un peu pessimiste aujourd'hui. Je parle beaucoup de flops et de jeux qui marchent pas. Mais ça va sûrement se vendre quand même. Dommage. Et finalement, Warmonger Operation Downtown Destruction, c'est le dernier jeu sur PC. Sur PlayStation 2, Design Ryaku 7 Exceed, SBK07 Superbike World Championship et Disney Princess Enchanted Journey. Sur PlayStation 3, le seul et unique jeu, c'est The Elder Scrolls 4 Oblivion Game of the Year Edition. Sur PlayStation Portable, la PSP, on retrouve Crash of the Titans, SWAT Target Liberty et Spider-Man 3. Sur la Nintendo Wii, Sea Monsters, A Prehistoric Adventure, Victorious Boxers Revolution et Guilty Gear XX Accent Core. Et finalement, sur Xbox 360, un jeu attendu par bien des gens, Beautiful Katamari. Ouais, ben, dans la même série de Katamari Damacy qui dure et persiste. Mais ça, c'est pas un flop. Non, voilà, tu vois. Ça, ça a une raison de fonctionner. Ouais. Speedball 2 Brutal Deluxe et Elder Scrolls 4 Oblivion Shivering Isles. Voilà. Sur le PlayStation Store cette semaine. Store. Le jeu complet proposé cette semaine, c'est Everyday Shooter pour 10$. Du côté des démos, on a Ratchet & Clank Future Tools of Destruction, NHL 2K8 et Conan. Et plusieurs vidéos sont proposées aussi. Sur Xbox Live Arcade, entre autres, Puzzle Quest Challenge of the Warlords, accompagné du jeu Yaris de Toyota qui, pour sa part, sera offert tout à fait gratuitement. Donc, si vous voulez plus d'infos sur les jeux sur Xbox Live, c'est dans l'article d'unechance.com. Et sur la Virtual Console de la Wii, trois jeux parus sur la console Neo Geo, Fatal Fury, World Heroes et Art of Fighting. Donc, des jeux lancés en 91 et 92 sur la console Neo Geo. C'est des vieux classiques, en fait, classiques, entre guillemets, pour ceux qui connaissent la Neo Geo. Des vieux classiques ou des vieilles affaires qui sont peut-être pas si pires finalement. Des cossins, hein, ben non, en fait, des trucs qui nous disent rien à la base, mais peut-être sont le fun. C'est vrai ça. Donc, moi, je veux juste faire un petit commentaire vite, vite. Oui. Je suis une fan de la Virtual Console et de Xbox Live Arcade. Okay. Moi, je trippe à juste avoir des mini-jeux comme ça sur Xbox Live Arcade, mais à redécouvrir des choses sur la Virtual Console. Moi, je trouve que c'est super génial. Et pour ceux qui ont un Xbox 360, allez downloader Luminise. Je trippe. C'est quoi? Bon. Luminise. Je trippe. C'est le fun. Ça occupe le temps. Musical un peu, c'est quoi? C'est ben, c'est le jeu musical. C'est comme un puzzle. C'est des blocs qui descendent, puis il faut que tu les élimines. C'est moi, cool. Moi ça me fait tripper. Très hot. Ouais, très, très, très magique. Bien. Génial. Je veux jouer à ça. Ouais, vraiment. On s'en reparle. OK, c'est cool. Under your wheels, the hope of spring. Mirage of loss, a few more things. You left your sorrow dangling. It hangs in air like a school cheer. Bump like notes inside the chords. On every wall, inflections carved. Deepest lakes and darkest stars. Remember, we were the volunteers. Ooh. Chords knew this and nothing more. Ooh. Now it's my rights versus yours. Avec leur album Challengers et la pièce My Rights vs Yours. Avant la pause, voici votre quiz musical de la semaine. Mais quel est ce jeu? vous en donne du facile. La console, c'est sur la Sega Genesis. Très bon indice. Et le jeu commence par la lettre E. B. Non. E. Donc, trouvez la réponse et on vous la donne au retour à la collection. C'est fou, 89.1 FM. On vous a demandé de nommer le jeu duquel on a pris cette pièce. On vous donne encore quelques secondes pour y penser. Encore un autre très très difficile cette semaine. On vous garde pas pantoute sur ces concours-là. Hein? Ben, on vous garde pas. On vous fait creuser les méninges. Il y a rien de mal à ça. On vous donne pas de coups dans le bec. Le jeu, c'est Earthworm Jim sur Sega Genesis. Bravo à ceux qui l'ont eu. Bravo! Ah, bravo! Ah, bravo! La connexion est présentée par Nico Vidéo, univers informatique. Maintenant, voici vos animateurs préférés, vos experts en golf, Caroline Coutier et Mathieu Plante. Bon retour. Bon retour. On parlait de golf pendant le petit intermède. Ouais. Plus alors, un, moins deux, birdie, eagle. Oui, ben en fait, j'expliquais à Mathieu les fonctionnements, les rudiments du golf, parce qu'en fait, cette semaine, j'avais joué à WeGolf. Alors voilà, qui explique tout, vous savez tout sur ma vie. Voilà, c'est ce qu'on voulait savoir. Je pense que je suis tellement visuel qu'il va falloir que je joue pour savoir. Je pourrais le dessiner aussi. Tu pourrais me le dessiner? Oui. Ouais. Ben en fait, un tableau, quelque chose, okay, ça pourrait être plus clair. Okay. Pendant la pièce. Ouais. Okay. Et on revient avec la chronique autour du net. Okay. Ah oui. Dans les rues, donne-moi un marteau. Je m'en vais me construire un bateau. Avant de m'en aller, avant de tout quitter, avant d'abandonner, je veux savoir pourquoi mon estomac ressemble à Hiroshima. We'll be right back. Le Husky avec la pièce David Bowie de l'album Chanson moderne pour cynique romantique. Maintenant, c'est le tour du net dans la chronique autour du net. Petit tour des choses qui sont passées sur Internet cette semaine, des choses quand même assez intéressantes. Pour commencer, le Tokyo Game Show, vous savez, ça avait lieu très récemment. Et j'ai posté sur le unechance.com, qui est le site d'émission, hein, ouais, quelques photos des Boot Girls 2007. Donc, si vous voulez voir ça, c'est beau à voir. Avis à tous les garçons. Voilà. Ben, pas juste les garçons, ça dépend des cas, mais il y a beaucoup de belles photos. D'accord. Très, très, très long article, là, si vous voulez voir ça. Donc, ensuite, un vidéo de Super Mario Galaxy qu'on attend depuis très, très longtemps, là. Ça s'en vient, là. C'est presque fait, là. En fait, c'est ça sort le 12 novembre 2007, le jeu. Mm-hmm. Je me rappelle bien la date. Et puis, vous allez découvrir quelques nouvelles affaires, là, le fait que Mario peut marcher sur l'eau et la lave. Pourquoi en tout cas, tu me l'avais pas dit avant? Pourquoi je t'avais pas dit ça avant? Ouais, juste comme... Tu le dis à tous les auditeurs, mais tu me l'avais pas dit avant. Dès que je te le dis? Ben là. Pourquoi? Ben là, c'est Super Mario Galaxy. Ben je sais. Ben là. Je suis outrée. OK. Moi qui pensais être une vie privilégiée. Oh, je m'excuse. Ben non, c'est pas grave. Je suis bien contente. Je vais aller voir sur unechance.com pour trouver le lien. Ben crime, va falloir. Ben oui. Ben là. Je suis pas penchée pour vrai. Ben non, je sais pas. Je sais bien. Donc voilà, Ice Mario et Spring Mario. Deux de ces nouveaux choses qu'il va faire. C'est une belle habilité. J'ai tellement hâte de voir ça, ça va être génial. J'ai même pas encore regardé les vidéos, pour vrai, j'ai juste posté, j'ai même pas regardé. Ça a l'air tellement bon. Ensuite, Breath Wars, une autre vidéo que j'ai pas regardé avant. Ça a rapport avec, ça s'appelle le Faceball, il y a quelques semaines on avait parlé de ça, c'est un jeu à faire au bureau, lancer un ballon d'en face de l'autre, il y avait un système de pointage et tout là-dessus. Ah bon, d'accord. Breath Wars, je vais juste regarder moi-même un extrait de cette vidéo-là pour à peu près savoir de quoi ça a l'air. C'est deux gars qui utilisent un tuyau, okay, un tuyau de, je sais pas, de peu importe quel matériau, là. Et l'autre souffle dans le tuyau, dans la bouche de l'autre, les deux l'ont chacun sur leur bouche. Il faut souffler le plus fort possible pour que l'autre lâche. C'est Breath Wars. Ben, c'est le nouveau jeu à jouer au bureau. C'est un peu ridicule, hein? Ben, c'est... C'est pas un truc, mais ça, avec le ballon en pleine figure, c'est pas des trucs qui se font bien en face du patron. Non. À la limite, un jeu sur Internet, bon, ben, tu tournes ton écran ou tu t'arranges pour que le patron passe, tu ouvres une autre fenêtre. Mais ça, lancer un ballon ou souffler dans un tuyau, c'est pas des trucs qui se font discrètement. Ah, mais pendant une pause, il y a rien de mal à ça. OK. Jouer au Faceball pendant une pause, c'est correct aussi. Tu le ballon en face de l'autre, c'est correct. Mais si on le défigure, on sait qu'il est plus présentable pour le reste de la journée puis que les clients à rencontrer, ça se fait plus ou moins si bien. Si la tête de même. L'autre explose, tu sais. Oui, explose c'est avec ça. Le ballon. Si l'autre a une force Hulkienne, tiens, c'est pas un mot, hein, mais c'est pas grave. Hulkienne? Ouais. Hulkesque? Digne de Hulk. D'accord. Tiens, Hello, I'm a Mac, what are you? Et un autre site, m3.antitea.com. Le lien est sur le site unechance.com, comme toujours. En fait, c'est simple. C'est juste une galerie de différentes personnes. Par exemple, bon, vous connaissez les pubs Je suis un Mac, je suis un PC. Ouais. Bon, vous avez tous vu ça. Maintenant, c'est Je suis un Mac, je suis Sun, Dell, Linux. GNU, Unix, Amiga, BOS, Vista. Donc c'est des photos qui pourraient comme c'est comme une genre de parodie de d'accord, des c'est bon. C'est donc bon. Vista, si on le regarde, le seul que j'ai vraiment remarqué ici, parce que je connais les autres, je suis un peu moins fanatique, mais Vista, c'est un gars, tu sais, habillé en cuir, mm-hmm. C'est avec un chapeau de cuir, puis tu sais très très. En tout cas, Vista, c'est comme je suis en tout cas. La comparaison est drôle. Un gars bien en cuir, c'est bon. Rien à dire de plus pour Windows Vista. Ensuite, tiens, je vais en sortir quelques-uns. Le meilleur suicide de tous les temps. Tiens, je l'ai sur mon autre ordinateur ici pour vous le faire entendre. C'est, pour commencer, c'est dans... Voilà. Et wow, c'était sec. C'est dans le jeu, c'est dans Halo 3, premièrement. C'est bien ça? Oui. C'est oui. Le meilleur suicide du monde, apparemment. Le gars, bon, premièrement, on le voit avancer. OK. Et il tire... sur un genre de pilier de l'autre côté. On va le revoir au ralenti plusieurs fois sous différents angles de caméra. Bon, on le voit sur le coin d'un immeuble. OK. Il prend sa... Bon, on le voit au ralenti. La balle avance, OK. Et lui rebondit dessus. C'est un suicide. C'est très impressionnant à voir. Le gars, c'est vraiment très, très bien timé. Ben en fait, mal timé, parce que le but, c'est pas de mourir. Non, mais c'est quand même... Le gars, je pense pas qu'il ait fait ça par accident. sais, puis que ce soit filmé pour ça. Là. Ouais. Moi, je pense qu'il a vraiment fait exprès. Là. Mais en fait, je crois pas que ce qui s'est filmé, c'est que tu peux tout revoir après. Donc, okay. Peut-être que c'est arrivé, puis après ça, il a dit, ah, ben c'est cool, donc je vais le mettre sur Internet parce que. On voit la trajectoire ici, en tout cas. C'est impressionnant d'aller voir ça. C'est Best Suicide Ever sur lunechance.com. L'autre, c'est une vidéo du jeu Skate. OK, wow, c'est ça super. Lague, hein, ça lag un peu, pourtant je l'avais téléchargé avant. Mais en tout cas, donc le gars avance sur un toit, je crois, et puis atterrit directement sur un banc assis. Oh yeah, ah, skate. C'est cool. C'est très, très bien. Très, très cool, très bien timé. Ensuite, tiens, vous avez peut-être entendu parler des Wilhelm Screams, d'accord? C'est un cri qui a été réutilisé dans plusieurs films, plusieurs émissions de télé. Et ce qu'ils ont fait sur YouTube, c'est Wilhelm Scream Compilation, présenté par Atomic Bagpipe Pictures. C'est qu'ils ont compilé plusieurs de ces cris Wilhelm de différents films et émissions de télé. Ça a été créé en 2007 pour une convention de science-fiction et de fantasy en Indiana. Donc, la question demande, est-ce que c'est pour vrai? Oui, c'est vrai. Et le gars les a pris sur Wikipédia. Il y a une page pour le Wilhelm Scream et le gars a été répertorier ça et prendre chacun de ces cris-là et a fait une compilation qui ressemble à peu près à ça. Vous allez voir, le cri est très caractéristique. La vidéo dure 4 minutes, évidemment, on l'écoutera pas au complet. Brock Simpson. At last we meet. C'est le « Ah! » C'est celui-là. Ah! Ah! Moi, je suis fier de la personne qui a réussi à détecter que c'était un rire de Wilhelm là-dedans, parce qu'il y en a qui sont cachés par des effets sonores en plus finir. C'est à peine remarquable. En tout cas, donc c'est Wilhelm Scream Compilation, si vous voulez aller voir sur le « Une chance, point ». Comme. Beaucoup de Star Wars hein, qui ont utilisé le Wilhelm Scream. Oui, exactement. Tiens, une autre. Ah, ça, c'est vraiment bon. C'est une des vidéos les plus vues sur Internet. En tout cas, j'imagine qu'on va le voir à Vlog cette semaine. À Vlog. Moi, je dis à Vlog d'ici le mois de janvier, peut-être. Ah, peut-être, ouais, dans le fond, avec le délai qu'ils prennent depuis la dernière semaine. Donc, ça s'appelle Star Wars Trumpet. En fait, c'est une fille qui s'appelle Stacey Edger qui apparaît dans un genre de défilé, là, un genre de gala. Comment t'appelles ça? Un pageant. Là. Ouais, un concours de beauté. Concours de beauté, voilà. Donc, elle apparaît là-bas en unitaire qu'on appelle noir. Années 80-90, je crois que les commentaires disaient que c'est 91 ou 92. Et ensuite, nous donne le plus cacophonique... Concert de trompette. Concert de trompette, t'es tellement bon pour me sauver. Du thème de Star Wars, d'accord? Et en plus, ça fait une imitation de Charlie Chaplin là-dedans. Ça impressionne tout le monde, cette vidéo-là. C'est très, très... OK, le voilà qui commence. Solo to the theme song from Star Wars is nous Stacey Hedger, un solo avec le Miss thème de Douglas. Star Wars. Voici Stacey Hedger, Miss Douglas, je crois. Une chance qu'il y a la vraie musique qui joue en arrière pour cacher un petit peu son manque de talent. Okay, attends, je vais l'avancer au bout, elle fait son Charlie Chaplin. C'est-tu ici? Ah oui. C'est ridicule. Et à la fin... attends, ça te fait. Et ici... Ah, et elle s'en va. Elle fait semblant de tirer des lasers avec sa trompette. Faut le faire, là. Ça, c'est vraiment génial. Et les gens l'applaudissent. Stacey Hedger, Miss Douglas. Wow. Tu vois, donc ça marche très fort en ce moment sur Internet. Non, imagine. On imagine. Hein? Le thème de Star Wars avec une trompette par-dessus qui fausse. Mm-hmm. Une imitation de Charlie Chaplin. Uh-huh. Et un habit moulant noir avec des brillants gris. Moi, je trouve que c'est assez génial comme performance. Ouais, hein? Je comprends pas pourquoi qu'elle a pas gagné ça, par non, exemple. Ben non. elle avait tout pour réussir. Oh, la femme des rêves de bien des hommes. En tout cas, allez voir ça sur lunechance.com. Tiens, d'autres choses qui ne sont pas des vidéos, une citrouille avec Mario dedans. Ça vous tente de vous aspirer pour faire une citrouille d'Halloween avec la face de Mario qui ne ferait pas ça? Là, j'en ai vu une avec Master Chief. T'en prends une avec Peach. Ah, bonne idée. Mais je suis absolument mauvaise pour décorer des citrouilles, alors... Dommage. Oui. Donc, juste regardez les dessins, essayez de vous fier sur les formes, puis vous allez voir, ça donne un très, très beau résultat. C'est le Super Mario Jack-O-Lantern sur lunchance.com. Ensuite, j'ai posté un article qui s'appelle The Most Beautiful CG Girls, d'accord? Ce que ça veut dire, dans le fond, c'est une collection des plus belles filles créées par ordinateur. Donc, certaines de ces filles-là ont été faites dans 3D Studio Max, dans Maya, dans ZBrush, d'autres dans des programmes 2D comme Photoshop. Les filles sont évidemment super jolies. Allez voir l'article, c'est encore quelque chose pour passer un bon bout de temps, je pense. J'en ai vu une autre fois, là, ça avait tellement l'air d'une photo, là. C'était génial. Ouais, parce que la semaine passée, j'en avais posté un sur le site aussi, avec un dessin fait à la main cette fois-là. Ça, c'était vraiment très impressionnant. C'est dans les liens de la semaine passée. D'accord, j'irai voir ça. Oui. Très, très bon. En tout cas. Mais oui, sur Internet, c'est très populaire, des filles faites par ordinateur. Petit dernier, tiens. J'ai posté MySpaceGrab.com, qui est une façon de télécharger de la musique de MySpace. D'accord? Donc, sur MySpace, il y a souvent des pièces qui sont téléchargeables, d'autres fois, elles ne le sont pas. Ouais. Avec ce logiciel-là, vous tapez l'adresse, vous appuyez sur le bouton MySpaceGrab, il va vous donner les 4, 5 ou peu importe pièces de l'artiste en 96 kbps. C'est pas la meilleure qualité du monde, mais c'est assez pour l'écouter dans votre iPod, peut-être. Moi, je trouve ça bien. En tout cas, moi, je l'ai utilisé. Ben, je trouvais ça très bien. C'est très pratique, ouais, je trouve ça bien. Parce que la plupart du temps, vous ne pourriez pas du tout le télécharger le MP3 de toute façon. Moi, je pense, en tout cas, il y avait des façons pour le télécharger en bonne qualité il y a quelques mois, mais ça a été. MySpace a un petit peu changé leur principe. Maintenant, c'est plus, tu ne peux plus le faire. Donc, avec cette façon-là, ça marche encore en 96 kbps. Quand même. Tiens, regardons un petit peu les jeux les plus trichés cette semaine. Mm-hmm, mm-hmm. Ouais. En cinquième position, c'est selon GameFAQs.com, le site de triche par excellence. En cinquième, Pokémon Diamond sur la DS. En quatrième, Final Fantasy XII sur la PlayStation 2. En troisième, Final Fantasy Tactics War of Lions sur la PSP. En deuxième, c'est Zelda Phantom Hourglass sur la DS. Et en première, c'est Halo 3 sur la Xbox 360, comme toujours. J'aurais voulu que tu me laisses deviner, mais ça aurait été trop facile. Ah, c'est ça, ça vaut plus la peine. C'est comme le top des mots-clés sur la toile du Québec. Ouais, hein. C'est toujours pareil. C'est quoi le numéro 1, tu penses? Horoscope. Ah, ben bravo. Côté console les plus vendues la semaine dernière, selon l'Institut Media Create, en troisième, c'est la Wii avec 20 000 ventes. En deuxième, la PSP avec presque 87 000. Et en première, c'est la Nintendo DS Lite qui est revenue en première position. C'est la PSP depuis quelques semaines, ça a remonté. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, DS Lite avec 87 500 environ de ventes. Côté jeu, on parle en troisième position de H sur la DS. En deuxième, c'est Gundam Battle Chronicles sur la PSP. Et en première, c'est Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 sur PlayStation 2 avec 204 000 ventes. J'ai presque Budokai Tenkaichi 3. Tenkaichi 3. Voilà. Tiens, côté utilitaire, ce que j'ai posté, des choses qui pourraient vous servir cette semaine. Je ne l'ai pas essayé, j'aimerais vraiment l'essayer. Par contre, une façon de télécharger Windows Vista SP1 avec un hack de registre. Donc, les gens qui ont Windows Vista, d'accord, veulent se mettre à jour avec le SP1, qui est la prochaine version d'améliorer, genre avec les patchs, avec les bugs réglés, d'accord? Okay. Donc, SP1, c'est très attendu par les gens qui aiment Windows Vista puis qui sont un petit peu techno. Mais SP1, présentement, il est distribué qu'en bêta à des testeurs. Donc, il y a apparemment une façon de hacker votre ordinateur pour pouvoir télécharger SP1 quand même. Donc, si ça vous tente, allez voir sur le site. Il y a aussi, tiens, une façon de créer des posters de motivation. Voilà, des motivational posters avec Poster Forge. Tu sais, on voit souvent des posters avec une grosse image dessus, puis en dessous, un petit slogan, là, oui? Une phrase cute. Mm-hmm. Là. Ouais. Une façon de faire votre propre poster. Omar Simpson adorerait ça, je suis sûr, parce qu'il y en a plein des posters de motivation. Du type fond noir écrit en blanc. Exactement, oui. C'est ça, tout à fait. C'est exactement sur Internet, c'est tellement... c'est partout. Il y a des parodies de ça partout. C'est génial. Une façon de dessiner vos propres icônes de site avec favicon.cc. Tu sais, on voit souvent sur Internet, tu vas sur un site web, il y a une petite icône carrée. Oui, là. Oui. Bon, une façon de créer votre propre icône avec favicon.cc. Et puis finalement, un truc, un vidéo, on le regardera pas, mais c'est comment ramener une batterie de laptop morte à la vie dans votre congélateur. D'accord. Ça a l'air louche. Oui, ça a l'air louche, ça a l'air étrange. Ça l'est probablement. Mais peut-être que ça fonctionne. On sait pas. Une fois sur mille. Faudrait l'essayer. La vidéo, en tout cas, a l'air de bien dire que ça fonctionne. Mais bon, qu'est-ce qu'on en sait? Voilà, c'est la fin de la connexion pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir écouté. Comme toujours, merci Caroline Foussier. Ben écoute, ça m'a fait plaisir. Merci à toi de nous avoir occupé l'esprit pendant ces 2 heures enrichissant de nouveaux trucs à découvrir. Il vous reste tout l'après-midi pour aller voir les liens qui nous restent. Hein, parce que vous savez qu'on en prépare des choses pour cette émission-là. Et puis, vous avez la chance d'aller les voir pendant la fin de la journée. Donc, Caroline, merci. À bientôt. Merci à moi-même. Merci Mathieu. Merci aux gens qui nous écoutent à chaque semaine. Je m'appelle Mathieu Plante, je suis en train de vous dire au revoir. Au revoir, on se quitte sur une pièce de Sondre Lerche qui s'appelle C'est d'or. Je l'ai promis, c'est une demande spéciale, j'ai pas le choix. On me tord le bras ici sur Internet et là, puis elle me dit passe-la, Matoun, passe-la, l'émission est presque finie. Donc on s'en va l'entendre tout de suite. Voici Sondre Lerky. Et c'est là à la collection. C'est fou. 89 FM. Try to get back on track. No.